Diderot par Charles-Augustin Sainte-Beuve. J'ai toujours aimé les correspondances, les conversations, les pensées, tous les détails du caractère, des mœurs, de la biographie, en un mot, des grands écrivains. Surtout quand ces biographies comparées n'existent pas déjà rédigées par un autre, et qu'on a pour son propre compte à la construire, à la composer. On s'enferme pendant une quinzaine de jours avec les écrits d'un mort célèbre, poète ou philosophe. On l'étudie, on le retourne, on l'interroge à loisir, on le fait poser devant soi. C'est presque comme si l'on passait 15 jours à la campagne à faire le portrait ou le buste de Byron, de Scott, de Goethe. Seulement, on est plus à l'aise avec son modèle et le tête-à-tête, en même temps qu'il exige un peu plus d'attention, comporte beaucoup plus de familiarité. Chaque trait s'ajoute à son tour et prend place de lui-même dans cette physionomie qu'on essaye de reproduire. C'est comme chaque étoile qui apparaît successivement sous le regard et vient luire à son point dans la trame d'une belle nuit, au type vague, abstrait, général, qu'une première vue avait embrassé, se mêle et s'incorpore par degrés une réalité individuelle, précise, de plus en plus accentuée et vivement scintillante. On sent naître, on voit venir la ressemblance, et le jour, le moment où l'on a saisi le tic familier, le sourire révélateur, la gerçure indéfinissable, la ride intime et douloureuse qui se cache en vain sous les cheveux déjà clairsemés, à ce moment, l'analyse disparaît dans la création. Le portrait parle et vit. On a trouvé l'homme. Il y a plaisir en tout temps à ces sortes d'études secrètes, et il y aura toujours place pour les productions qu'un sentiment vif et pur en saura tirer. Toujours, nous le croyons, le goût et l'art donneront de l'à-propos, et quelque durée aux œuvres les plus courtes et les plus individuelles, si, en exprimant une portion même restreinte de la nature et de la vie, elles sont marquées de ce sceau unique de diamant, dont l'empreinte se reconnaît tout d'abord, qui se transmet inaltérable et imperfectible à travers les siècles, et qu'on essaierait vainement d'expliquer ou de contrefaire. Les révolutions passent sur les peuples et font tomber les rois comme des têtes de pavot. Les sciences s'agrandissent et accumulent. Les philosophies s'épuisent, et cependant, la moindre perle, autrefois éclose du cerveau de l'homme, si le temps et les barbares ne l'ont pas perdue en chemin, brille encore aussi pure aujourd'hui qu'à l'heure de sa naissance. On peut découvrir demain toute l'Égypte et toute l'Inde, lire au cœur des religions antiques, en tenter de nouvelles. L'ode d'Horace à Lycoris n'en sera, ni plus ni moins, une de ces perles dont nous parlons. La science, les philosophies, les religions sont là, à côté, avec leur profondeur et leur gouffre souvent insondable. Qu'importe, elle, la perle limpide, et une fois née, se voit fixe haut de son rocher, sur le rivage, dominant cet océan qui remue et varie sans cesse. Plus humide, plus cristalline, plus radieuse au soleil après chaque tempête. Ceci ne veut pas dire au moins que la perle et l'océan d'où elle est sortie un jour ne soient pas liés par beaucoup de rapports profonds et mystérieux, ou, en d'autres termes, que l'art soit du tout indépendant de la philosophie, de la science et des révolutions d'alentour. Oh, pour cela, non. Chaque océan donne ses perles. Chaque climat les mûrit diversement et les colore. Les coquillages du golfe Persique ne sont pas ceux de l'Islande. Seulement l'art, dans la force de génération qui lui est propre, a quelque chose de fixe, d'accompli, de définitif, qui crée, à un moment donné, et dont le produit ne meurt plus, qui ne varie pas avec les niveaux, qui n'expire ni ne grossit avec les vagues, qui ne se mesure ni au poing ni à la brasse, et qui, au sein des courants les plus mobiles, organise une certaine quantité de tout, grands et petits, dont les plus choisis et les mieux venus, une fois extraits de la masse flottante, n'y peuvent jamais rentrer. C'est ce qui doit consoler et soutenir les artistes jetés en des jours d'orage. Partout il y a moyen pour eux de produire quelque chose. Peu ou beaucoup, l'essentiel est que ce quelque chose soit le mieux, et porte en soi, précieusement gravé à l'un des coins, la marque éternelle. Voilà ce que nous avions besoin de nous dire avant de nous remettre, nous, critiques littéraires, à l'étude curieuse de l'art, et à l'examen attentif des grands individus du passé. Il nous a semblé que, malgré ce qui a éclaté dans le monde, et ce qui s'y remue encore, un portrait de Régnier, de Boileau, de La Fontaine, d'André Chénier, de l'un de ces hommes dont les pareils restent de tout temps fort rares, ne serait pas plus une puérilité aujourd'hui qu'il y a un an. Et en nous prenant cette fois à Diderot, philosophe et artiste, en le suivant de près dans son intimité attrayante, en le voyant dire, en l'écoutant penser aux heures les plus familières, nous y avons gagné, du moins, outre la connaissance d'un grand homme de plus, d'oublier pendant quelques jours l'affligeant spectacle de la société environnante, tant de misère et de turbulence dans les masses, un si vague effroi, un si dévorant égoïsme dans les classes élevées, les gouvernements sans idée ni grandeur, des nations héroïques qu'on immole, le sentiment de patrie qui se perd et que rien de plus large ne remplace, la religion retombée dans l'arène d'où elle a le monde à reconquérir, et l'avenir de plus en plus nébuleux, recélant un rivage qui n'apparaît pas encore. Il n'en était pas tout à fait ainsi du temps de Diderot. L'œuvre de destruction commençait alors à s'entamer au vif dans la théorie philosophique et politique. La tâche, malgré les difficultés du moment, semblait fort simple. Les obstacles étaient bien tranchés, et l'on se portait à l'assaut avec un concert admirable et des espérances à la fois prochaines et infinies. Diderot, si diversement jugé, est de tous les hommes du XVIIIe siècle celui dont la personne résume le plus complètement l'insurrection philosophique avec ses caractères les plus larges et les plus contrastés. Il s'occupa peu de politique et la laissa à Montesquieu, à Jean-Jacques et à Rénal, mais en philosophie, il fut en quelque sorte l'âme et l'organe du siècle, le théoricien dirigeant par excellence. Jean-Jacques était spiritualiste, et par moments une espèce de calviniste socinien. Il niait les arts, les sciences, l'industrie, la perfectibilité, et par toutes ses faces heurtait son siècle plutôt qu'il ne le réfléchissait. Il faisait, à plusieurs égards, exception dans cette société libertine, matérialiste, et éblouie de ses propres lumières. D'Alembert était prudent, circonspect, sobre et frugal de doctrine, faible et timide de caractère, sceptique en tout ce qui sortait de la géométrie, ayant deux paroles, une pour le public, l'autre dans le privé, philosophe de l'école de Fontenelle, et le XVIIIe siècle avait l'audace au front, l'indiscrétion sur les lèvres, la foi dans l'incrédulité, le débordement des discours, et lâchait la vérité et l'erreur à pleine main. Buffon ne manquait pas de foi en lui-même et en ses idées, mais il ne les prodiguait pas. Il les élaborait à part et ne les émettait que par intervalles, sous une forme pompeuse dont la magnificence était à ses yeux le mérite triomphant. Or, le XVIIIe siècle passe avec raison pour avoir été prodigue d'idées, familier et prompt, tout à tous, ne haïssant pas le déshabillé. Et quand il s'était trop échauffé en causant de verve, en dissertant dans le salon pour ou contre Dieu, ma foi, il ne se faisait pas faute alors, le bon siècle, d'ôter sa perruque, comme l'avait Galiani, et de la suspendre au dos d'un fauteuil. Condillac, si vanté depuis sa mort pour ses subtiles et ingénieuses analyses, ne vécut pas au cœur de son époque, et n'en représente aucunement la plénitude, le mouvement et l'ardeur. Il était cité avec considération par quelques hommes célèbres. D'autres l'estimaient d'assez mince étoffe. En somme, on s'occupait peu de lui. Il n'avait guère d'influence. Il mourut dans l'isolement, atteint d'une sorte de marasme causé par l'oubli. Juger la philosophie du XVIIIe siècle d'après Condillac, c'est se décider d'avance à la voir tout entière dans une psychologie pauvre et étriquée. Quelque état qu'on en fasse, elle était plus forte que cela. Cabanis et M. de Tracy, qui ont beaucoup insisté, comme par précaution oratoire, sur leur filiation avec Condillac, se rattachent bien plus directement, pour les solutions métaphysiques d'origine et de fin, de substance et de cause, pour les solutions physiologiques d'organisation et de sensibilité, à Condorcet, à D'Holbach, à Diderot. Et Condillac est précisément muet sur ces énigmes, autour desquelles la curiosité de son siècle se consuma. Quant à Voltaire, meneur infatigable, d'une aptitude d'action si merveilleuse et philosophe pratique en ce sens, il s'inquiéta peu de construire ou même d'embrasser toute la théorie métaphysique d'alors. Il se tenait au plus clair, il courait au plus pressé, il visait au plus droit, ne perdant aucun de ses coups, harcelant de loin les hommes et les dieux, comme un Parthe sous ses flèches sifflantes. Dans son impitoyable verve de bon sens, Il alla même jusqu'à railler à la légère les travaux de son époque, à l'aide desquels la chimie et la physiologie cherchaient à éclairer les mystères de l'organisation. Après la théodicée de Leibniz, les anguilles de Needham lui apparaissaient une des plus drôles imaginations qu'on pût avoir. La faculté philosophique du siècle avait donc besoin, pour s'individualiser en un génie, d'une tête à conception plus patiente et plus sérieuse que Voltaire, d'un cerveau moins étroit et moins effilé que Condillac. Il lui fallait plus d'abondance, de sources vives et d'élévation solide que dans Buffon, plus d'ampleur et de décision fervente que chez D'Alembert, une sympathie enthousiaste pour les sciences, l'industrie et les arts, que Rousseau n'avait pas. Diderot fut cet homme. Diderot, riche et fertile nature, ouverte à tous les germes, et les fécondant en son sein, les transformant presque au hasard par une force spontanée et confuse, moule vaste et bouillonnant où tout se fond, où tout se broie, où tout fermente. Capacité la plus encyclopédique qui fut alors, mais capacité active, dévorante à la fois et vivifiante, animant, embrasant tout ce qui y tombe, et le renvoyant au dehors, dans des torrents de flammes et aussi de fumée. Diderot, passant d'une machine à bas qu'il démonte et décrit, au creuset de D'Holbach et de Rouel, aux considérations de Bordeaux, disséquant, s'il le veut, l'homme et ses sens aussi dextrement que Condillac, dédoublant le fil de cheveux le plus ténu sans qu'il se brise, puis, tout d'un coup, rentrant au sein de l'être, de l'espace, de la nature, et taillant en plein dans la grande géométrie métaphysique quelques larges lambeaux, quelques pages sublimes et lumineuses que Malebranche ou Leibniz auraient pu signer avec orgueil s'ils n'eussent été chrétiens. Esprit d'intelligence, de hardiesse et de conjecture, alternant du fait à la rêverie, flottant de la majesté au cynisme, bon jusque dans son désordre, un peu mystique dans son incrédulité, et auquel il n'a manqué, comme à son siècle, pour avoir l'harmonie, qu'un rayon divin, un fiat lux, une idée régulatrice, un dieu. Tel devait être, au XVIIIe siècle, l'homme fait pour présider à l'atelier philosophique, le chef du camp indiscipliné des penseurs, celui qui avait puissance pour les organiser en volontaires, les rallier librement, les exalter, par son entrain chaleureux, dans la conspiration contre l'ordre encore subsistant. Entre Voltaire, Buffon, Rousseau et D'Holbach, entre les chimistes et les beaux esprits, entre les géomètres, les mécaniciens et les littérateurs, entre ces derniers et les artistes, sculpteurs ou peintres, entre les défenseurs du goût ancien et les novateurs comme ceux d'Aisne, Diderot fut un lien. C'était lui qui les comprenait le mieux tous ensemble et chacun isolément, qui les appréciait de meilleure grâce et les portait le plus complaisamment dans son cœur, qui avait le moins de personnalité et de quant à soi, se transportait le plus volontiers de l'un à l'autre. Il était donc bien propre à être le centre mobile, le pivot du tourbillon, à mener la ligue à l'attaque avec concert, inspiration et quelque chose de tumultueux et de grandiose dans l'allure. La tête haute et un peu chauve, le front vaste, les tempes découvertes, l'œil en feu ou humide d'une grosse larme, le cou nu, et comme il l'a dit, débraillé, le dos bon et rond, les bras tendus vers l'avenir, mélange de grandeur et de trivialité, d'emphase et de naturel, d'emportement fougueux et d'humaine sympathie. Tel qu'il était, et non tel que l'avaient gâté Falconet et Vandelot, je me le figure dans le mouvement théorique du siècle, précédant dignement ces hommes d'action qui ont avec lui un air de famille, ces chefs d'un ascendant sans morgue, d'un héroïsme souillé d'impur, glorieux malgré leurs vices, gigantesques dans la mêlée, au fond meilleurs que leur vie, Mirabeau, Danton, Kléber. Denis Diderot était né à Langres, en octobre 1713, d'un père coutelier. Depuis 200 ans, cette profession se transmettait par héritage dans la famille, avec les humbles vertus, la piété, le sens et l'honneur des vieux temps. Le jeune Denis, l'aîné des enfants, fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique, pour succéder à un oncle chanoine. On le mit de bonne heure aux jésuites de la ville, et il y fit de rapides progrès. Ses premières années, cette vie de famille et d'enfance qu'il aimait à se rappeler et qu'il a consacrée en plusieurs endroits de ses écrits, laissèrent dans sa sensibilité de profondes empreintes. En 1760, au Grand Val, chez le baron d'Holbach, partagé entre la société la plus séduisante et les travaux de philosophie ancienne qu'il rédigeait pour l'encyclopédie, ces circonstances d'autrefois lui revenaient à l'esprit avec larmes. Il remontait par la rêverie le cours de sa triste et tortueuse compatriote, la Marne, qu'il retrouvait là, sous ses yeux, au pied des coteaux de Chenevière et de Champigny. Son cœur nageait dans les souvenirs, et il écrivait à son amie, Mademoiselle Volant, « Un des moments les plus doux de ma vie, ce fut il y a plus de 30 ans, et je m'en souviens comme d'hier, lorsque mon père me vit arriver au du collège, les bras chargés des prix que j'avais remportés, et les épaules chargées des couronnes qu'on m'avait décernées, et qui, trop larges pour mon front, avaient laissé passer ma tête. Du plus loin qu'il m'aperçut, il laissa son ouvrage. Il s'avança sur sa porte et se mit à pleurer. C'est une belle chose qu'un homme de bien et sévère qui pleure. » Madame de Vandeul, fille unique et si chérie de Diderot, nous a laissé quelques anecdotes sur l'enfance de son père, que nous ne répéterons pas, et qui toutes attestent la vivacité d'impression, la pétulance, la bonté facile de cette jeune et précoce nature. Diderot a cela de particulier entre les grands hommes du XVIIIe siècle, d'avoir eu une famille tout à fait bourgeoise, de l'avoir aimée tendrement, de s'y être rattaché toujours avec effusion, cordialité et bonheur. Philosophe à la mode et personnage célèbre, il eut toujours son bon père le forgeron, comme il disait, son frère l'abbé, sa sœur la ménagère, sa chère petite fille Angélique. Il parlait de tous délicieusement. Il ne fut satisfait que lorsqu'il eut envoyé à Langres son ami Grimm embrasser son vieux père. Je n'ai guère vu trace de rien de pareil chez Jean-Jacques. D'Alembert et pour cause, le comte de Buffon ou ce même monsieur de Grimm ou monsieur Arouet de Voltaire. Les jésuites cherchèrent à s'attacher Diderot. Il eut une veine d'ardente dévotion. On le tonsura vers 12 ans, et on essaya même un jour de l'enlever de Langres pour disposer de lui plus à l'aise. Ce petit événement décida son père à l'amener à Paris, où il le plaça au collège d'Harcourt. Le jeune Diderot s'y montra bon écolier et surtout excellent camarade. On rapporte que l'abbé de Bernis et lui dînèrent plus d'une fois alors au cabaret à 6 sous par tête. Ses études finies, il entra chez un procureur, M. Clément de Ris, son compatriote, pour y étudier le droit et les lois, ce qui l'ennuya bien vite. Ce dégoût de la chicane le brouilla avec son père, qui sentait le besoin de brider, de mater par l'étude un naturel aussi passionné, et qui le pressait de faire choix d'un état quelconque ou de rentrer sous le toit paternel. Mais le jeune Diderot sentait déjà ses forces, et une vocation irrésistible l'entraînait hors des voies communes. Il osa désobéir à ce bon père qu'il vénérait, et seul, sans appui, brouillé avec sa famille, quoique sa mère le secourût sous main et par intervalle, logé dans un taudis, dînant toujours à 6 sous, le voilà qui tente de se fonder une existence d'indépendance et d'études. La géométrie et le grec le passionnent, et il rêve la gloire du théâtre. En attendant, tous les genres de travaux qui s'offraient lui étaient bienvenus. Le métier de journaliste, comme nous l'entendons, n'existait pas alors, sans quoi c'eût été le sien. Un jour, un missionnaire lui commanda 6 sermons pour les colonies portugaises, et il les fabriqua. Il essaya de se faire le précepteur particulier des fils d'un riche financier, mais cette vie d'assujettissement lui devint insupportable au bout de 3 mois. Sa plus sûre ressource était de donner des leçons de mathématiques. Il apprenait lui-même tout en montrant aux autres. Ses plaisirs de retrouver, dans le neveu de Rameau, la redingote de pluche grise avec laquelle il se promenait au Luxembourg en été, dans l'allée des soupirs, et de le voir, trottant, au sortir de là, sur le pavé de Paris, en manchette déchirée en bas de laine noire, recousue par derrière avec du fil blanc. Lui, qui regretta plus tard si éloquemment sa vieille robe de chambre, combien davantage ne dut-il pas regretter cette redingote de pluche qui lui retraçait toute sa vie de jeunesse, de misère et d'épreuve. Comme il l'aurait fièrement suspendu dans son cabinet décoré d'un luxe récent, comme il se serait écrié à plus juste titre en voyant cette relique telle qu'il les aimait. Elle me rappelle mon premier état, et l'orgueil s'arrête à l'entrée de mon cœur. Non, mon ami, non, je ne suis point corrompu. Ma porte s'ouvre toujours au besoin qui s'adresse à moi. Il me trouve la même affabilité. Je l'écoute, je le conseille, je le plains. Mon âme ne s'est point endurcie. Ma tête ne s'est point relevée. Mon dos est bon et rond comme ci-devant. C'est le même ton de franchise, c'est la même sensibilité. Mon luxe est de fraîche date, et le poison n'a point encore agi. Et que n'eût-il pas ajouté si l'éternelle redingote de pluche s'était trouvée précisément la même qu'il portait ce jour de mardi gras où, tombé au plus bas de la détresse, épuisé de marche, défaillant d'inanition, secouru par la pitié d'une femme d'auberge, il jura, tant qu'il aurait un sou vaillant, de ne jamais refuser un pauvre et de tout donner plutôt que d'exposer son semblable à une journée de pareille torture. Ses mœurs, au milieu de cette vie incertaine, n'étaient pas ce qu'on pourrait imaginer. On voit, par un aveu qu'il fait à Mademoiselle Volant, l'aversion qu'il conçut de bonne heure pour les faciles et dangereux plaisirs. Ce jeune homme, abandonné, nécessiteux, ardent, dont la plume acquit par la suite un renom d'impureté, qui, selon son propre témoignage, possédait assez bien son pétrone, et des petits madrigaux infâmes de Catulle pouvaient réciter les trois quarts sans honte. Ce jeune homme échappa à la corruption du vice, et dans l'âge le plus furieux, parvint à sauver les trésors de ses sens et les illusions de son cœur. Il dut ce bienfait à l'amour. La jeune fille qu'il aima était une demoiselle déchue, une ouvrière pauvre, vivant honnêtement avec sa mère du travail de ses mains. Diderot la connut comme voisine, la désira éperdument, se fit agréer d'elle, et l'épousa malgré les remontrances économiques de la mère. Seulement, il contracta ce mariage en secret, pour éviter l'opposition de sa propre famille, que trompait sur son compte de faux rapports. Jean-Jacques, dans ses confessions, a jugé fort dédaigneusement la nette de Diderot, à laquelle il préfère de beaucoup sa Thérèse. Sans nous prononcer entre ces deux compagnes de grands hommes, il paraît en effet que, bonne femme au fond, Madame Diderot était d'un caractère tracassier, d'un esprit commun, d'une éducation vulgaire, incapable de comprendre son mari et de suffire à ses affections. Tous ces fâcheux inconvénients, que le temps développa, disparurent alors dans l'éclat de sa beauté. Diderot eut d'elle jusqu'à 4 enfants, dont un seul, une fille, survécut. Après une de ses premières couches, il expédia la mère et sans doute aussi le nourrisson à Langres, près de sa famille, pour forcer la réconciliation. Ce moyen pathétique réussit, et toutes les préventions qui avaient duré des années s'évanouirent en 24 heures. Cependant, accablé de nouvelles charges, livré à des travaux pénibles, traduisant au gage des libraires quelques ouvrages anglais, une histoire de la Grèce, un dictionnaire de médecine, et méditant déjà l'encyclopédie, Diderot se désenchanta bien promptement de cette femme pour laquelle il avait si pesamment grevé son avenir. Madame de Puisieux, autre erreur, durant 10 années, Mademoiselle Volant, la seule digne de son choix, durant toute la seconde moitié de sa vie, quelques femmes telles que Madame de Prunevaux plus passagèrement, l'engagèrent dans des liaisons étroites qui devinrent comme le tissu même de son existence intérieure. Madame de Puisieux fut la première. Coquette et aux expédients, elle ajouta aux embarras de Diderot. Et c'est pour elle qu'il traduisit l'essai sur le mérite et la vertu, qu'il fit les pensées philosophiques, l'interprétation de la nature, la lettre sur les aveugles et les bijoux indiscrets, offrant de mieux assortis et moins sévères. Madame Diderot, négligée par son mari, se resserra dans ses goûts peu élevés. Elle eut son petit monde, ses petits entours, et Diderot ne se rattacha plus tard à son domestique que par l'éducation de sa fille. On comprendra, d'après de telles circonstances, comment celui des philosophes du siècle qui sentit et pratiqua le mieux la moralité de la famille, qui cultiva le plus pieusement les relations de père, de fils, de frère, eut en même temps une si fragile idée de la sainteté du mariage, qui est pourtant le nœud de tout le reste. On saisira aisément, sous quelle inspiration personnelle, il fit dire à l'hôte haïtien dans le supplément au voyage de Bougainville « Rien te paraît-il plus insensé qu'un prétexte qui proscrit le changement qui est en nous, qui commande une constance qui n'y peut être, et qui viole la liberté du mâle et de la femelle en les enchaînant pour jamais l'un à l'autre. Qu'une fidélité qui borne la plus capricieuse des jouissances à un même individu, qu'un serment d'immutabilité de deux êtres de chair à la face d'un ciel qui n'est pas un instant le même, sous des antres qui menacent ruine, au bas d'une roche qui tombe en poudre, au pied d'un arbre qui se gerce, sur une pierre qui s'ébranle. » Ce fut une singulière destinée de Diderot, et bien explicable d'ailleurs par son exaltation naïve et contagieuse, d'avoir éprouvé ou inspiré dans sa vie des sentiments si disproportionnés avec le mérite véritable des personnes. Son premier, son plus violent amour, l'enchaîna pour jamais à une femme qui n'avait aucune convenance réelle avec lui. Sa plus violente amitié, qui fut aussi passionnée qu'un amour, eut pour objet Grimm, bel esprit fin, piquant, agréable, mais cœur égoïste et sec. Enfin, la plus violente admiration qu'il fit naître lui vint de Naigeon. Naigeon, adorateur fétichiste de son philosophe, comme Brossette l'était de son poète, espèce de disciple badaud, de bedeau fanatique de l'athéisme. Femme, ami, disciple, Diderot se méprit donc dans ses choix. La Fontaine n'eût pas été plus malencontreux que lui. Au reste, à part le chapitre de sa femme, il ne semble guère que lui-même il se soit jamais avisé de ses méprises. Tout homme, doué de grandes facultés, est venu en des temps où elles peuvent se faire jour, est comptable, par devant son siècle et l'humanité, d'une œuvre en rapport avec les besoins généraux de l'époque et qui aide à la marche du progrès. Quels que soient ses goûts particuliers, ses caprices, son humeur de paresse ou ses fantaisies de hors d'œuvre, il doit à la société un monument public, sous peine de rejeter sa mission et de gaspiller sa destinée. Montesquieu, par l'esprit des lois, Rousseau, par l'Émile et le contrat social, Buffon, par l'histoire naturelle, Voltaire, par tout l'ensemble de ses travaux, ont rendu témoignage à cette loi sainte du génie, en vertu de laquelle il se consacre à l'avancement des hommes. Diderot, quoi qu'on en ait dit légèrement, n'y a pas non plus manqué. On lui accorde, de reste, les fantaisies humoristes, les boutades d'une saillie incomparable, les chaudes esquisses, les riches prêts à fond perdus dans les ouvrages et sous le nom de ses amis, le don des romans, des lettres, des causeries, des contes, les petits papiers, comme il les appelait, c'est-à-dire les petits chefs-d'œuvre, le morceau sur les femmes, la religieuse, Madame de la Pommeraye, Mademoiselle de la Chaux, Madame de la Carlière, les héritiers du curé de Thivet. Ce que nous tenons ici à lui maintenir, c'est son titre social, sa pièce monumentale, l'Encyclopédie. Ce ne devait être à l'origine qu'une traduction revue et augmentée du dictionnaire anglais de Chalmers, une spéculation de libraire. Diderot féconda l'idée première et conçut hardiment un répertoire universel de la connaissance humaine à son époque. Il mit 25 ans à l'exécuter. Il fut à l'intérieur la pierre angulaire et vivante de cette construction collective et aussi le point de mire de toutes les persécutions, de toutes les menaces du dehors. D'Alembert, qui s'y était attaché surtout par convenance d'intérêt et dont la préface ingénieuse a beaucoup trop assumé pour ceux qui ne lisent que les préfaces, la gloire éminente de l'ensemble déserta au beau milieu de l'entreprise, laissant Diderot se débattre contre l'acharnement des dévots, la pusillanimité des libraires et sous un énorme surcroît de rédaction. Grâce à sa prodigieuse verve de travail, à l'universalité de ses connaissances, à cette facilité multiple acquise de bonheur dans la détresse, grâce surtout à ce talent moral de rallier autour de lui, d'inspirer et d'exciter ses travailleurs, il termina cet édifice audacieux d'une masse à la fois menaçante et régulière. Si l'on cherche le nom de l'architecte, c'est le sien qu'il faut y lire. Diderot savait mieux que personne les défauts de son œuvre, il se les exagérait même, eu égard au temps, et se croyant né pour les arts, pour la géométrie, pour le théâtre, il déplorait maintes fois sa vie engagée perdue dans une affaire d'un profit si mince et d'une gloire si mêlée. Qu'il fût admirablement organisé pour la géométrie et les arts, je ne le nie pas. Mais certes, les choses étant ce qu'elles étaient alors, une grande révolution, comme il l'a lui-même remarqué, s'accomplissant dans les sciences, qui descendaient de la haute géométrie et de la contemplation métaphysique pour s'étendre à la morale, aux belles lettres, à l'histoire de la nature, à la physique expérimentale et à l'industrie. De plus, les arts au XVIIIe siècle étant faussement détournés de leur but supérieur et rabaissés à servir de porte-voix philosophique ou d'armes pour le combat, au milieu de telles conditions générales, il était difficile à Diderot de faire un plus utile, un plus digne et mémorable emploi de sa faculté puissante qu'en l'avouant à l'encyclopédie. Il servit et précipita, par cette œuvre civilisatrice, la révolution qu'il avait signalée dans les sciences. Je sais d'ailleurs quels reproches sévères et irréversibles sur tout le siècle doivent tempérer ces éloges, et j'y souscris entièrement. Mais l'esprit anti-religieux qui présida à l'encyclopédie et à toute la philosophie d'alors ne saurait être exclusivement jugé de notre point de vue d'aujourd'hui, sans presque autant d'injustice qu'on a droit de lui en reprocher. Le mot d'ordre, le cri de guerre, écrasons l'infâme, tout décisif et inexorable qu'il semble, demande lui-même à être analysé et interprété. Avant de reprocher à la philosophie de n'avoir pas compris le vrai et durable christianisme, l'intime et réelle doctrine catholique, il convient de se souvenir que le dépôt en était alors confié, d'une part aux jésuites intrigants et mondains, de l'autre aux jansénistes farouches et sombres, que ceux-ci, retranchés dans les parlements, pratiquaient dès ici-bas leur fatale et lugubre doctrine sur la grâce, moyennant leurs bourreaux, leurs questions, leurs tortures, et qu'ils réalisaient pour les hérétiques, dans les culs de basse-fosse des cachots, l'abîme effrayant de Pascal. C'était là l'infâme, qui tous les jours calomniait auprès des philosophes le christianisme dont elle usurpait le nom. L'infâme, en vérité, que la philosophie est parvenue à écraser dans la lutte, en s'abîmant sous une ruine commune. Diderot, dès ses premières pensées philosophiques, paraît surtout choqué de cet aspect tyrannique et capricieusement farouche que la doctrine de Nicole, d'Arnaud et de Pascal prête aux dieux chrétiens. Et c'est au nom de l'humanité méconnue et d'une sainte commisération pour ses semblables qu'il aborde la critique audacieuse où sa fougue ne lui permit plus de s'arrêter. Ainsi de la plupart des novateurs incrédules. Au point de départ, une même protestation généreuse les unit. L'encyclopédie ne fut donc pas un monument pacifique, une tour silencieuse de cloître avec des savants et des penseurs de toute espèce distribués à chaque étage. Elle ne fut pas une pyramide de granit à base immobile. Elle n'eut rien de ces harmonieuses et pures constructions de l'art qui montent avec lenteur à travers des siècles fervents vers un dieu adoré et béni. On l'a comparé à l'impie Babel. J'y verrais plutôt une de ces tours de guerre, de ces machines de siège, mais énormes, gigantesques, merveilleuses, comme en décrit Polybe, comme en imagine le Tasse. L'arbre pacifique de Bacon y est façonné en catapultes menaçantes. Il y a des parties ruineuses, inégales, beaucoup de plâtras, des fragments cimentés et indestructibles. Les fondations ne plongent pas en terre. L'édifice roule, il est mouvant, il tombera. Mais qu'importe ? Pour appliquer ici un mot éloquent de Diderot lui-même, la statue de l'architecte restera debout au milieu des ruines, et la pierre qui se détachera de la montagne ne la brisera point, parce que les pieds n'en sont pas d'argile. L'athéisme de Diderot, bien qu'il l'affichât par moments avec une déplorable jactance, et que ses adversaires l'aient trop cruellement pris au mot, se réduit le plus souvent à la négation d'un dieu méchant et vengeur, d'un dieu fait à l'image des bourreaux de Calas et de Labarre. Diderot est revenu fréquemment sur cette idée, et l'a présentée sous les formes bienveillantes du scepticisme le moins arrogant. Tantôt, comme dans l'entretien avec la maréchale de Breuil, c'est un jeune Mexicain qui, las de son travail, se promène un jour au bord du grand océan. Il voit une planche qui, d'un bout, trempe dans l'eau et de l'autre pose sur le rivage. Il s'y couche, et bercé par la vague, rasant du regard l'espace infini, les contes de sa vieille grand-mère sur je ne sais quelle contrée située au-delà et peuplée d'habitants merveilleux lui repassent en idée comme de folles chimères. Il n'y peut croire. Et cependant, le sommeil vient avec le balancement et la rêverie. La planche se détache du rivage, le vent s'accroît, et voilà le jeune raisonneur embarqué. Il ne se réveille qu'en pleine eau. Un doute s'élève alors dans son esprit. S'il s'était trompé, en ne croyant pas si sa grand-mère avait eu raison. « Eh bien, » ajoute Diderot, « elle a eu raison. Il vogue, il touche à la plage inconnue. Le vieillard, maître du pays, est là, qu'il reçoit à l'arrivée. Un petit soufflet sur la joue, une oreille un peu pincée avec sourire, sera-ce toute la peine de l'incrédule? Ou bien, ce vieillard ira-t-il prendre le jeune insensé par les cheveux et se complaire à le traîner durant une éternité sur le rivage? Tantôt, comme dans une lettre à Mademoiselle Volant, c'est un moine, galant homme et point du tout enfroqué, avec qui son ami Damilaville l'a fait dîner. On parla de l'amour paternel. Diderot dit que c'était une des plus puissantes affections de l'homme. Un cœur paternel, repris-je, non, il n'y a que ceux qui ont été pères qui sachent ce que c'est. C'est un secret heureusement ignoré, même des enfants. Puis, continuant, j'ajoutais, les premières années que je passais à Paris avaient été fort peu réglées. Ma conduite suffisait de reste pour irriter mon père, sans qu'il fût besoin de la lui exagérer. Cependant, la calomnie n'y avait pas manqué. On lui avait dit, que ne lui avait-on pas dit? L'occasion d'aller le voir se présenta. Je ne balançais point. Je partis plein de confiance dans sa bonté. Je pensais qu'il me verrait, que je me jetterais dans ses bras, que nous pleurerions tous les deux, et que tout serait oublié. Je pensais juste. Là, je m'arrêtai et je demandai à mon religieux s'il savait combien il y avait d'ici, chez moi. 60 lieues, mon père. Et s'il y en a 100, croyez-vous que j'aurais trouvé mon père moins indulgent et moins tendre? Au contraire. Et s'il y en avait eu 1000? Ah, comment maltraiter un enfant qui revient de si loin! Et s'il avait été dans la Lune, dans Jupiter, dans Saturne? En disant ces derniers mots, j'avais les yeux tournés au ciel, et mon religieux, les yeux baissés, méditait sur mon apologue. Diderot a exposé ses idées sur la substance, la cause et l'origine des choses dans l'interprétation de la nature, sous le couvert de Bauman, qui n'est autre que Maupertuis, et plus nettement encore dans l'entretien avec D'Alembert et le rêve singulier qu'il prête à ce philosophe. Il nous suffira de dire que son matérialisme n'est pas un mécanisme géométrique et aride, mais un vitalisme confus, fécond et puissant, une fermentation spontanée, incessante, évolutive, où, jusque dans le moindre atome, la sensibilité latente ou dégagée subsiste toujours présente. C'était l'opinion de Bordeux et des physiologistes, la même que Cabanis a depuis si éloquemment exprimée. À la manière dont Diderot sentait la nature extérieure, la nature pour ainsi dire naturelle, celle que les expériences des savants n'ont pas encore torturée et falsifiée, les bois, les eaux, la douceur des champs, l'harmonie du ciel et les impressions qui en arrivent au cœur, il devait être profondément religieux par organisation, car nul n'était plus sympathique et plus ouvert à la vie universelle. Seulement, cette vie de la nature et des êtres, il la laissait volontiers obscure, flottante, et en quelque sorte diffuse hors de lui, recelée au sein des germes, circulant dans les courants de l'air, ondoyant sur les cimes des forêts, s'exhalant avec les bouffées des brises. il ne la rassemblait pas vers un centre, il ne l'idéalisait pas dans l'exemplaire radieux d'une providence ordonnatrice et vigilante. Pourtant, dans un ouvrage qu'il composa durant sa vieillesse et peu d'années avant de mourir, l'essai sur la vie de Sénèque, il s'est plu à traduire le passage suivant d'une lettre à Lucilius qui le transporte d'admiration. S'il s'offre à vos regards une vaste forêt, peuplée d'arbres antiques, dont les cimes montent aux nues et dont les rameaux entrelacés vous dérobent l'aspect du ciel, cette hauteur démesurée, ce silence profond, ces masses d'ombre que la distance épaissit et rend continue, tant de signes, ne vous intiment-ils pas la présence d'un Dieu ? C'est Diderot qui souligne le mot « intimé ». Je suis heureux de trouver dans le même ouvrage un jugement sur la maîtrise, qui marque, chez Diderot, un peu d'oubli, peut-être, de ses propres excès cyniques et philosophiques, mais aussi un dégoût amer, un désaveu formel du matérialisme immoral et corrupteur. J'aime qu'il reproche à la maîtrise de n'avoir pas les premières idées des vrais fondements de la morale, de cet arbre immense dont la tête touche aux cieux et dont les racines pénètrent jusqu'aux enfers, où tout est lié, où la pudeur, la décence, la politesse, les vertus les plus légères, s'il en est de telles, sont attachées comme la feuille au rameau, qu'on déshonore en la dépouillant. Ceci me rappelle une querelle qu'il eut un jour sur la vertu avec Helvétius et Saurin. Il en fait à Mademoiselle Volant un récit charmant, qui est un miroir en raccourci de l'inconséquence du siècle. Ces messieurs niaient le sens moral inné, le motif essentiel et désintéressé de la vertu pour lequel plaidait Diderot. Le plaisant, ajoute-t-il, c'est que, la dispute à peine terminée, ces honnêtes gens se mirent, sans s'en apercevoir, à dire les choses les plus fortes en faveur du sentiment qu'ils venaient de combattre et à faire eux-mêmes la réfutation de leur opinion. Mais Socrate, à ma place, la leur aurait arrachée. Il dit en un endroit au sujet de Grimm « La sévérité des principes de notre ami se perd. Il distingue deux morales, une à l'usage des souverains. » Toutes ces idées excellentes sur la vertu, la morale et la nature lui revinrent sans doute plus fortes que jamais dans le recueillement et l'espèce de solitude qu'il tâcha de se procurer durant les années souffrantes de sa vieillesse. Plusieurs de ses amis étaient morts, les autres dispersés. Mademoiselle Volant et Grimm lui manquaient souvent. Aux conversations désormais fatigantes, il préférait la robe de chambre et sa bibliothèque du 5e sous les Tuiles, au coin de la rue Taranne et de celle de Saint-Benoît. Il lisait toujours, méditait beaucoup et soignait avec délices l'éducation de sa fille. Sa vie bienfaisante, pleine de bons conseils et de bonnes œuvres, dut lui être d'un grand apaisement intérieur, et toutefois, peut-être, à de certains moments, il lui arrivait de se redire cette parole de son vieux père. « mon fils, c'est un bon oreiller que celui de la raison. » Mais je trouve que ma tête repose plus doucement encore sur celui de la religion et des lois. Il mourut en juillet 1784. Comme artiste et critique, Diderot fut éminent. Sans doute, sa théorie du drame n'a guère de valeur que comme démenti donné au convenu, au faux goût, à l'éternelle mythologie de l'époque, comme rappel à la vérité des mœurs, à la réalité des sentiments, à l'observation de la nature. Il échoua dès qu'il voulut pratiquer. Sans doute, l'idée de morale le préoccupa outre mesure. Il y subordonna le reste, et en général, dans toute son esthétique, il méconnut les limites, les ressources propres et la circonscription des beaux-arts. Il concevait trop le drame en moraliste, la statuaire et la peinture en littérateur. Le style essentiel, l'exécution mystérieuse, la touche sacrée, ce je ne sais quoi d'accompli, d'achevé, qui est à la fois l'indispensable, ce sine qua non de confection dans chaque œuvre d'art pour qu'elle parvienne à l'adresse de la postérité. Sans doute, ce coin précieux lui a échappé souvent. Il a tâtonné alentour. et il n'y a pas toujours posé le doigt avec justesse. Falconet et Seden lui ont causé de ces éblouissements d'enthousiasme que nous ne pouvons lui passer que pour Terence, pour Richardson et pour Greuze. Voilà les défauts. Mais aussi que de verve, que de raison dans les détails. Quelle chaude poursuite du vrai, du bon, de ce qui sort du cœur. Quel exemplaire sentiment de l'antique dans ce siècle irrévérent. Quelle critique pénétrante, honnête, amoureuse, jusqu'alors inconnue. Comme elle épouse son auteur dès qu'elle y prend goût. Comme elle le suit, l'enveloppe, le développe, le choix et l'adore. Et tout optimiste qu'elle est, et un peu sujette à l'engouement, ne la croyez pas dupe toujours. Demandez plutôt à l'auteur des Saisons, à Monsieur de Saint-Lambert, qui, entre les gens de lettres, est une des peaux les plus sensibles, nous dirions aujourd'hui un des épidermes, à Monsieur de la Harpe, qui a du nombre, de l'éloquence, du style, de la raison, de la sagesse, mais rien qui lui batte au-dessous de la mamelle gauche. Quod laeva in parte mamillae, nil salit arcadico juveni. Juvenal. Demandez à l'abbé Rénal, qui serait sur la ligne de Monsieur de la Harpe, s'il avait un peu moins d'abondance et un peu plus de goût. Au digne, au sage et honnête Thomas, enfin, qui, à l'opposé du même Monsieur de la Harpe, met tout en montagne, comme l'autre met tout en plaine, et qui, en écrivant sur les femmes, a trouvé moyen de composer un si bon, un si estimable livre, mais un livre qui n'a pas de sexe. En prononçant le nom de femme, nous avons touché la source la plus abondante et la plus vive du talent de Diderot comme artiste. Ses meilleurs morceaux, les plus délicieux d'entre ses petits papiers, sont certainement ceux où il les met en scène, où il raconte les abandons, les perfidies, les ruses dont elles sont complices ou victimes, leur puissance d'amour, de vengeance, de sacrifice, où il peint quelques coins du monde, quelques intérieurs auxquels elles ont été mêlées. Les moindres récits courent alors sous sa plume, rapide, entraînant, simple, loin d'aucun système, emprunt, sans affectation, des circonstances les plus familières, et comme venant d'un homme qui a de bonne heure vécu de la vie de tous les jours, et qui a senti l'âme et la poésie dessous. De telles scènes, de tels portraits, ne s'analysent pas. Omettant les choses plus connues, je recommande à ceux qui ne l'ont pas lu encore la correspondance de Diderot avec Mademoiselle Jodin, jeune actrice dont il connaissait la famille et dont il essaya de diriger la conduite et le talent par des conseils aussi attentifs que désintéressés. C'est un admirable petit cours de morale pratique, sensée et indulgente. C'est de la raison, de la décence, de l'honnêteté, je dirais presque de la vertu, à la portée d'une jolie actrice, bonne et franche personne, mais mobile, turbulente, amoureuse. À la place de Diderot, Horace, je le suppose assez goûteux déjà pour être sage, Horace lui-même n'aurait pas donné d'autres préceptes, des conseils mieux pris dans le réel, dans le possible, dans l'humanité. Et certes, il ne les eut pas assaisonnés de maximes plus saines, d'indications plus fines sur l'art du comédien. Ses lettres à Mademoiselle Jodin, publiées pour la première fois en 1821, présageaient dignement celles à Mademoiselle Volant, que nous possédons enfin aujourd'hui. Ici, Diderot se révèle et s'épanche tout entier. Ses goûts, ses mœurs, la tournure secrète de ses idées et de ses désirs, ce qu'il était dans la maturité de l'âge et de la pensée, sa sensibilité intarissable au sein des plus arides occupations et sous les paquets d'épreuves de l'encyclopédie, ses affreux retours vers les temps d'autrefois, son amour de la ville natale, de la maison paternelle et des bordes sauvages où s'ébattait son enfance, son vœu de retraite solitaire, de campagne avec peu d'amis, d'oisiveté entremêlée d'émotions et de lectures, et puis, au milieu de cette société charmante, à laquelle il se laisse aller tout en la jugeant, les figures sans nombre, gracieuses ou grimaçantes, les épisodes tendres ou bouffons qui ressortent et se croisent dans ses récits. Madame d'Épinay, les boucles de cheveux pendantes, un cordon bleu au front, langoureuse en face de Grimm. Madame d'Aine en camisole, aux prises avec Monsieur Leroy. Le baron d'Holbach, au ton moqueur et discordant, près de sa moitié au fin sourire. l'abbé Galiani, trésor dans les jours pluvieux, meuble si indispensable que tout le monde voudrait en avoir un à la campagne, si on en faisait chez les tabletiers. L'incomparable portrait d'Uranie, de cette belle et auguste Madame Legendre, la plus vertueuse des coquettes, la plus désespérante des femmes qui disent « Je vous aime ». Un franc-parler sur les personnages célèbres. Voltaire, ce méchant et extraordinaire enfant des délices qui a beau critiquer, railler, se démener, et qui verra toujours au-dessus de lui une douzaine d'hommes de la nation, qui, sans s'élever sur la pointe du pied, le passeront de la tête, car il n'est que le second dans tous les genres. Rousseau, cet être incohérent, excessif, tournant perpétuellement autour d'une capucinière où il se fourrera un beau matin, et sans cesse ballotté de l'athéisme au baptême des cloches. C'en est assez, je crois, pour indiquer que Diderot, homme, moraliste, peintre et critique, se montre à nu dans cette correspondance, si heureusement conservée, si à propos offerte à l'admiration empressée de nos contemporains. Plus efficacement que nos paroles, elle ravivera, elle achèvera dans leur mémoire une image déjà vieillie, mais toujours présente. Nous y renvoyons bien vite les lecteurs qui trouveraient que nous n'en avons pas dit assez, ou que nous en avons trop dit. Nous leur rappellerons, en même temps comme dédommagement et comme excuse, un article sur la prose du grand écrivain, inséré autrefois dans ce recueil par un des hommes qui ont le mieux soutenu et perpétué de nos jours la tradition de Diderot, pour la verve chaude et féconde, le génie facile, abondant, passionné, le charme sans fin des causeries et la bonté prodigue du caractère. Juin 1831. À la fin de ce portrait, Sainte-Beuve a rajouté « J'ai refait plus tard une esquisse de Diderot qui se trouve au tome 7 des causeries du lundi ».